Le nombre de vaccins obligatoires en France passera dès 2018 de 3 à 11 vaccins. C'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Lors d'une interview à RTL le 5 juillet 2017, Agnès Buzyn a dit « Il y a des morts inutiles aujourd'hui. C'est inadmissible que des jeunes de moins de 25 ans meurent de méningite ou de rougeole dans notre pays. Ce sera la responsabilité des pouvoirs publics de communiquer cela aux Français. » Pourtant, selon la santé publique, seulement 10 décès suite à la rougeole ont été enregistrés depuis 2008. Par contre, selon les chiffres de l'INSEE et ceux de l'ANSM, le tabac est responsable de 78 000 décès chaque année et pour l'alcool de 49 000 décès. Ainsi, l'exigence de rendre la vaccination obligatoire, justifiée par la protection de la population, semble totalement disproportionnée. De plus, il est à craindre qu'avec la vaccination obligatoire décrétée par l'État, le sujet des dommages causés par la vaccination soit passé sous silence par les politiciens, les médecins et les médias. Par exemple, les possibles effets secondaires suivants du vaccin contre la rougeole sont connus et sont entre autres officiellement énumérés par le ministère américain de la Santé que 4 heures après la vaccination, un choc allergique est possible et de 5 jours à 15 jours après la vaccination, il y a une possibilité d'encéphalite. Dans la notice du vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de Merck et compagnie, les effets secondaires suivants sont énumérés comme indésirables mais possibles. L'encéphalite, les convulsions et les symptômes d'autisme. Dans notre émission du 21 juin 2015, nous avions relaté les effets secondaires connus qui peuvent apparaître suite à la vaccination avec le vaccin Inforix Exa. Il s'agit entre autres d'hémorragie, d'autisme et même de choc allergique. 36 cas de décès infantiles ont même été rapportés suite à la vaccination avec Inforix Exa. La question qui se pose est de savoir si l'élargissement des vaccins obligatoires sert vraiment à la protection de la santé comme prétendu de prime abord ou si les intérêts de la vaccination obligatoire se trouvent entièrement ailleurs. À ce sujet, le médecin Patrick Chan s'exprime ainsi. Ce que ça va surtout rapporter, c'est beaucoup d'argent à ces laboratoires. Parce qu'ils vont mettre tout dans un seul vaccin qui va coûter très cher. Cela a même été confirmé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a reconnu dans le journal Le Parisien que les industriels allaient gagner de l'argent avec cette mesure. Le rapport sur la vaccination, établi en 2016, à l'initiative de l'ancienne ministre de la Santé, estime que l'élargissement de l'obligation vaccinale apporterait entre 110 à 120 millions d'euros par an à l'industrie pharmaceutique. Avec l'élargissement des vaccins obligatoires, l'industrie pharmaceutique échappe à la décision prise par le Conseil d'État le 8 février 2017. Celui-ci avait décidé qu'un vaccin ne contenant que les 3 vaccinations obligatoires devait être proposé, sauf dans le cas où la liste des vaccinations obligatoires s'allongerait. Donc cette mesure va tout à fait dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. De plus, les liens avec les laboratoires de certains acteurs qui ont conduit à cette mesure d'extension du nombre de vaccins obligatoires poussent à se demander s'il n'y a pas eu conflit d'intérêts avec cette affaire. Le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, est en lien étroit avec Sanofi, géant pharmaceutique français. Sanofi est le leader mondial du vaccin et en 2013, le prix de Sanofi Pasteur a été décerné au même Alain Fischer. Agnès Buzyn était de 2009 à 2011 au conseil d'administration de 2 groupes pharmaceutiques très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol Myers Squibb. Quant à Emmanuel Macron, nouveau président de la République, il est très proche du président de Sanofi, Serge Weinberg. Compte tenu de tels faits et de ces conflits d'intérêts, la santé de la population est évidemment utilisée comme prétexte pour l'introduction de la vaccination obligatoire, pour ainsi servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique, des lobbyistes et d'autres qui en tirent bénéfice.